Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour notre émission Grand Large avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui, nous accueillons Max Diacock, bonjour. Bonjour. Vous êtes chorégraphe et interprète du solo de danse « J'habite une blessure sacrée » qui se joue à 12h45 au théâtre Golovine. Avec nous également Béréka Yerjo, bonjour. Bonjour. Et Anne Meyer, bonjour. Bonjour. Du spectacle « Accompagne-moi » que vous pourrez retrouver à 13h40 à la Chapelle du Verbe Incarné, un voyage dansé entre trois personnages. Je vous propose d'écouter un extrait de ce spectacle. Tourne à droite. Il n'y a pas de rue à droite. Tourne à droite. Il n'y a pas de rue à droite, madame. Non, j'insiste, tourne à droite. J'ai dit à droite et non pas à gauche. Oui, oui à droite, mais il n'y a pas de rue pour me rendre jusqu'à vous. Tourne à droite. Il est tellement bête, je te dis, il n'arrive pas à différencier sa gauche et sa droite. J'arrive à différencier ma gauche et ma droite. Tourne à droite alors. Mais madame, il n'y a pas de rue à droite. Tu te plains, mais tu n'écoutes rien. C'est simple. Je te demande seulement de tourner à droite. Paul a pris à droite, il est arrivé à destination. Paul va bien. Tu vas bien, Paul? Oui, je vais bien, mais merci, madame. Je ne cesse de vous répéter qu'il n'y a pas de rue à droite. Es-tu certain de savoir différencier ta gauche et ta droite? Oui. Parce que tout le monde qui est parvenu jusqu'ici, jusqu'à présent, a pris le même chemin. Le mien. Mais madame, je vous dis qu'il n'y a pas de rue à droite. Ne me parle pas sur ce ton. Es-tu certain de savoir différencier ta gauche et ta droite? Oui. Enfin, je crois. Tu crois? Oui. Je crois. Tu vois comme c'est compliqué de l'accompagner, celui-là. Il croit savoir différencier sa gauche et sa droite. Béréka, vous signez la mise en scène de ce spectacle. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet et la rencontre avec Anne Meyer? Ah là là, ce projet est né quand je suis venue en Guyane. En fait, à la base, je ne vivais pas en Guyane, j'ai grandi au Canada. Et c'est d'ailleurs par cette même occasion que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette chère Anne Meyer. Et ce projet est né suite à des interventions que j'ai faites dans les collèges et dans les lycées. Et en fait, j'ai été confrontée à une réalité que je ne connaissais pas auparavant. Et j'ai dû ouvrir mon esprit, ouvrir ma fenêtre et me résigner à me risquer pour réellement accompagner les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a certaines réalités que j'ai découvertes sur le territoire qui ne m'étaient pas habituelles. Et j'ai dû les prendre en considération pour vraiment pouvoir accompagner les jeunes et avancer avec eux. Donc, ça provient de différentes expériences en milieu scolaire, dans le cadre d'ateliers, et dans les fréquentations en soi qu'on peut faire sur le territoire. Et la rencontre avec Anne Meyer s'est faite dans le cadre d'un projet sur lequel on a travaillé ensemble. Et voilà, on a travaillé ensemble, on a été amené à travailler ensemble. Et c'est là où j'ai rencontré Anne. Anne, vous interprétez seule trois personnages. Comment vous passez de l'un à l'autre ? Rapidement, le plus rapidement possible. Il faut être très net. Après, c'est assez simple, puisqu'au fil des répétitions et du travail, j'ai incorporé vraiment, c'est le mot, chacun des personnages, sa façon de se mouvoir, sa façon de parler. Et du coup, passer de l'un à l'autre, maintenant, c'est comme un jeu, c'est même une question de timing et presque de dialogue avec le public aussi, où En fonction du temps que je prends pour passer d'un personnage à l'autre, ça raconte des choses entre les mots, entre les, voilà, le texte qui a été écrit par Berikia. Donc c'est la marge d'interprétation qui est intéressante pour moi aussi, c'est-à-dire que oui, je me suis approprié les mots très riches et très poétiques du texte de Berikia, mais j'ai aussi appris à jouer entre les mots. Oui, parce que dans ce spectacle, il y a un rapport à l'imaginaire et à l'histoire en elle-même qui est très développé. Oui, un rapport à l'imaginaire et à l'histoire et à cette... En fait, pour nous, c'était important de parler de ces réalités et parfois, quand on les voit sans vouloir, ça peut parfois paraître un peu caricatural. Et donc, on s'est dit, on va raconter une histoire. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ainsi. Anne, vous étiez venue l'année dernière déjà à la Chapelle du Verbe Incarné avec votre spectacle La Forêt des Illusions, qui venait déjà de Guyane. Quelle force, quelles inspirations est-ce que vous tirez toutes les deux de ce territoire d'outre-mer ? C'est une belle question. C'est un territoire qui est vraiment singulier. Alors, j'imagine que chaque territoire d'outre-mer a sa propre singularité. En Guyane, je pourrais comparer avec les quelques territoires d'outre-mer que je connais. Il y a vraiment une force très, très puissante de la nature, puisqu'on est quand même près de l'équateur, etc. On est en Amérique du Sud. Et puis, il y a des problématiques qui sont vraiment propres à ce territoire. Et un contexte lié évidemment au passé colonial, à l'immigration, beaucoup des gens qui sont venus de Martinique, de la Dominique, après l'éruption au début du XXe siècle. Ensuite, il y a eu tout le passé avec le bagne. On a aussi un spectacle ici à la Chapelle du Verbe Incarné qui parle de ce trait un peu particulier de l'histoire quand même, hein, qui a laissé des cicatrices sur le territoire. Et ensuite, l'arrivée et l'exploitation de la fusée Ariane, etc. Tout ça en ne considérant pas du tout ou très peu les peuples premiers qui sont pourtant toujours là, toujours en lutte. D'ailleurs, je crois que demain, il y a un documentaire sur la montagne d'or, dans les écrans du tout le monde. Et donc, c'est avec cette réalité-là qu'on compose et avec la jeunesse issue de toutes ces réalités et de beaucoup d'autres réalités, puisqu'il y a une très forte immigration en migraine. En migraine. Waouh, j'ai fait un très joli mot là. Une très forte migration en Guyane. Et quand ces jeunes se retrouvent dans les mêmes classes, avec les pieds sur la même ligne de départ au CP, dans les écoles primaires, secondaires, finalement, on s'aperçoit que leur bagage et leur réalité sont tellement différentes qu'on peut pas dire qu'ils partent exactement sur un pied d'égalité. Donc c'est vrai que il y a des façons aussi de savoir écouter et de se mettre un peu à leur place pour les accompagner au mieux vers leur propre réussite. Oui, et au-delà, pour moi, la Guyane est un territoire très riche, comme disait Anne, de par l'immigration et de par toutes ces histoires. Chaque personne a une histoire assez singulière et parfois une histoire assez rocambolesque. Et quand on entend, quand on écoute, on ne peut pas nier la lumière qui en émane. Et donc, c'est ce qui m'a motivée à écrire cette pièce et à honorer tous ces jeunes que j'ai croisés et que je sais pertinemment que moi, j'aurais de la difficulté même à faire une seule journée dans leurs souliers. Par contre, je les vois tous les jours venir à l'école, ne pas lâcher, continuer, persévérer, faire des fautes de langage, continuer, persévérer, se faire moquer, continuer. Et ça, pour moi, c'est très inspirant. Voilà. Anne, je le disais, c'est la deuxième année donc, que vous venez avec votre spectacle à la Chapelle du Verbe Incarné. Vous continuez d'écrire votre histoire avec ce lieu ? C'est un lieu d'accueil assez fabuleux, je dois dire. Ici, on se sent vraiment un peu comme dans une grande famille théâtrale, une grande famille du spectacle vivant, et qui vraiment donne sa place belle à toutes ces compagnies qui n'ont pas la chance d'avoir leur visibilité sur le territoire métropolitain. Donc, encore une fois, c'est une très, très belle aventure qui s'écrit ici chaque année. Alors, j'ai la chance d'y participer depuis la deuxième année, c'est vrai. Mais je souhaite encore une très, très belle et grande route à ce haut lieu de la culture et qui fait vraiment honneur à ces terres loin des yeux et près du cœur. Donc on vous invite évidemment à venir découvrir ce spectacle. Accompagne-moi à 13h40 à la Chapelle du Verbe Incarné. Max Diacocque, vous avez créé « J'habite une blessure sacrée », un solo de danse contemporaine qu'on retrouve au théâtre Golovin. Je vous propose d'écouter un extrait musical de ce spectacle. J'habite une blessure sacrée, ce sont des vers qui sont gravés sur la tombe de Césaire. Comment est né ce solo de danse ? Alors, ce solo est né d'une grande envie qui date de 2016. C'était de rendre hommage aux victimes d'un grand massacre qui a eu lieu en 1067 en Guadeloupe. Et donc, c'est 1967-2017, ça faisait 50 ans. Et il y a aussi un autre assassinat qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de Thomas Sankara en 87. Donc ça faisait 30 ans. Et donc voilà, donc c'est parti un peu de ça, de façon chaotique, comme commence toute création, en fait, de mon côté. Et après, petit à petit, c'est devenu quelque chose qui m'habite beaucoup. C'est un dialogue, enfin deux énergies, deux nécessités et deux énergies qui m'habitent. Donc c'est devenu un face-à-face entre deux nécessités. C'est celle de la lutte émancipatrice, donc la lutte politique, militante. Et la deuxième, qui est la quête intérieure, le côté spirituel. Spirituel, pas au sens religieux, mais au sens de dialogue avec plus grand que soi. Donc c'est devenu ce face-à-face. Et chaque nécessité, je les ai traduites par une énergie, par une différente. Donc la quête politique, je l'ai traduite par une énergie martiale parce que j'ai pratiqué le judo pendant une vingtaine d'années. J'ai été fan de, sans faire de kung-fu, mais comme beaucoup d'ados à l'époque, j'ai imité Bruce Lee, Jackie Chan, le Tao de l'homme ivre et tout ça. Et donc l'autre nécessité, bon, je pratique également la méditation. Et donc l'autre nécessité, je l'ai traduite par une gestuelle fluide. Mais pour ne pas sombrer dans le manichéisme, j'ai travaillé un peu sur l'ambiguïté parce qu'on est, un peu fait des deux. Donc le côté ambivalent, le martial dans le doux dans le martial, après on ne sait plus ce qui est quoi. Mais le but, c'est quand même d'arriver à quelque chose d'apaisé. Voilà. Puisque c'est un peu ma conception aussi de la vie. Je vois toutes les luttes qui sont menées actuellement, qui sont très justes. Généralement, les militants disent ouais, tout ça c'est des, tout ce qui est spirituel, bon, on n'a pas le temps, ça c'est ce qui compte, c'est les droits sociaux, c'est la lutte politique. Et ceux qui sont dans la démarche spirituelle disent mais non, mais tout est à l'intérieur. Et voilà, et moi je me dis que l'un renforce l'autre, parce que plus on est autonome, conscient, plus on est fort dans une lutte politique. Et on a besoin d'intériorité pour aller plus loin dans la lutte politique. Donc pour moi, c'est une sorte de rapport dialectique qui habite toute cette pièce, on va dire. Alors dans votre spectacle, il y a un vrai rapport de l'individu à la société, avec ce thème du double, de l'équilibre, du déséquilibre. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Alors oui, j'ai beaucoup travaillé, enfin ma base dans mon histoire gestuelle, j'ai commencé par le Gwoka. Bon, après, Donc, qui est typique de la Guadeloupe. Qui est de la Guadeloupe. Et j'ai une formation également contemporaine. J'ai fait du modern jazz et tout ça. Et dans la gestuelle Gwoka, il y a un jeu beaucoup sur l'axe. Donc, on est dans l'axe, on sort de l'axe. Un jeu sur l'équilibre, le déséquilibre. Surtout dans une des danses du Gwoka qui s'appelle le Lewos, qui est une danse très guerrière. Et ça me fait penser, c'est pas dans la forme, mais dans le fond, à une forme de kung-fu qu'on appelle le Tao de l'homme ivre, qu'on a vu avec Jackie Chan dans Le Maître chinois, où il se bat avec de l'alcool, enfin un pichet de vin, je sais pas de quoi, et il trouble l'adversaire avec des appuis un peu bizarres, parce que quand les appuis sont clairs, on attaque facilement, avec des appuis bizarres. Et ça me fait penser à la capoeira aussi, la jinga. Il y a des jinga. Enfin, la jinga, c'est la préparation. En capoeira, il y a des jinga un peu déjantés. On ne comprend pas très bien d'où va partir le coup de pied. Et donc, moi, j'ai un peu travaillé sur ça, un peu influence de Jackie Chan, bon, sans être pratiquant de kung-fu, mais je l'ai adapté à ma gestuelle, mais dans le principe de travailler sur ce bigidi, ce qu'on appelle le déséquilibre bigidi, quelque chose d'inattendu, mais en même temps, au bout duquel il y a quelque chose de ferme. Donc voilà, donc c'est un peu à l'instar de la vie, quoi, le chaos de la vie, et dans ce chaos, il y a des choses qui émergent, glissant, parler de toutes ces rencontres improbables qui naissent de ce chaos. Bon, il y a un certain ordre aussi qui naît de ce chaos. Bon, moi, je revendique beaucoup ce bigidi, ce chaos. Alors, dans votre spectacle aussi, il y a Joanne Chauveau qui signe la création Lumière. Ah oui. Et il y a un vrai dialogue avec ces panneaux éclairés qui sont présents sur la scène. Alors oui, donc, la Lumière, c'est Joanne Chauveau. On va dire que c'est le régional de la course. c'est un Avignonnais, puis au jus. Enfin, il vit à Avignon. Je ne sais pas s'il est né à Avignon. Mais bon, il n'y a pas seulement la lumière, il y a le dispositif scénographique avec la vidéo. La vidéo a été créée par Claudio Cavaliari, qui est d'origine italienne, qui a fait pas mal de grandes collaborations avec la Comédie française, avec pas mal de compagnies. Et donc, la vidéo et la lumière créent un univers qui permet un dialogue entre le Max Diacor qui est sur scène et ses doubles, ses triples, la multiplicité de moi-même sur l'écran. Voilà, donc c'est en fait, en particulier pour la vidéo, Claudio a voulu, ça a été sa proposition aussi, au niveau de la scénographie, de faire en sorte que bon, la vidéo ne soit pas juste illustratif, mais qui est un véritable dialogue, qui est des fois des contrepoints, des complémentarités avec la vidéo. Voilà. Donc on vous invite à découvrir ce spectacle à 12h45 au théâtre Golovine. Je m'adresse à vous trois. C'est important, évidemment, dans un festival comme celui-ci, d'ouvrir à la création d'Outre-mer, qui est peu présente de manière générale. Oui, je pense que c'est important d'ouvrir à la création d'Outre-mer, mais de s'ouvrir aussi au monde entier, parce que franchement, ça nous permet à nous de nous confronter, mais au-delà de ça, de rencontrer l'autre, de rencontrer l'art. Et il n'y a pas meilleur lieu qu'ici, quoi. Oui, c'est le lieu qui permet ceci, ces rencontres, puisque bon, y a une double rencontre à Avignon. Il y a une rencontre avec le public avignonnais, les programmateurs, les journalistes. Mais il y a une rencontre qui est très importante, c'est la rencontre avec les autres artistes. Donc, c'est l'occasion. Donc, on commence à faire son programme. On se dit, ah, il faut que j'aille voir Anne. Mais elle est presque en même temps que moi. Donc, on le demande à Anne, c'est quand on joue de relâche. Donc, ça permet aussi de voir comment on a des problématiques similaires par rapport à ceux qui sont originaires de Martinique, de Guadeloupe, de Réunion, de Mayotte, etc. Il y a des problématiques des fois similaires. Il y a de façon sous-jacente un propos qui se ressent. Mais comment chacun crée, quelle forme ça prend, et c'est extraordinaire. Et bon, pas seulement pour les gens qui sont proches de notre culture, mais en général. Bah, par exemple, moi, j'aime bien aller voir les pièces des Chinois également, la danse. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est, tout ça nourrit. Ça nourrit, ça peut être qu'intéressant. Et oui, c'est le plus grand festival de théâtre, de spectacle vivant du monde. Et c'est vrai qu'on a toute forme d'expression, d'expressivité. Alors évidemment, venu des Outre-mer et... Ici, on est là effectivement pour voir ce que font nos comparses et comment ils créent sur leur propre territoire, que ce soit ici à La Chapelle, au Golovine ou il y a d'autres endroits. Aussi, on a par exemple Danieli Francisque qui joue au Train Bleu, qui fait un très beau travail qu'on est allé voir hier. Excellent. Avec Erikia. Très beau travail. Très beau travail. Donc voilà, et puis effectivement, des pièces qui nous viennent du monde entier. On a des yeux aussi, des spectateurs qui viennent du monde entier, des programmateurs... Qui circule pendant toute la durée du festival, et c'est vraiment une chance inouïe, c'est une rencontre fabuleuse qui nous nourrit avec ces rencontres artistiques, avec toutes ces sensibilités pour presque l'année qui viendra. Quoi. Mmh. Il y a aussi Souria Adèle qui présente Marie Prince. Ah oui, c'est Marie Prince, oui, exactement. Beaucoup de découvertes. Merci beaucoup à vous trois d'être venus partager un morceau de votre univers. Je vous propose de retrouver Nathalie Lollet et sa chronique Antilla avec Gaëlle Octavia. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. L'écriture théâtrale dans la Caraïbe francophone et les auteurs se sont structurés depuis plus d'une vingtaine d'années autour de quelques entités œuvrant à la découverte et à la diffusion des textes. ETC Caraïbes, Textes en Parole, Auteurs d'ici, par leurs différents concours d'écriture, leurs comités de lecture et leurs manifestations, ont servi de tremplin à de jeunes ou moins jeunes auteurs de Guyane, Guadeloupe, Martinique et Haïti. C'est le cas de Gaëlle Octavia, dont nous parlons aujourd'hui, auteure martiniquaise remarquée ces dernières années pour ses textes dramatiques forts. La Chapelle du Verbe Incarné est le premier lieu qui la reconnaît en tant qu'auteur dramatique, puisque Greg Germain, en 2003, mettait son premier texte en lecture, Le Voyage. Cette expérience inédite confortera Gaëlle dans son envie timide d'écrire pour le théâtre. En effet, c'est d'abord par le roman qu'elle vient très jeune à l'écriture et s'en souvient. Mais c'est par la peau de l'acteur qu'elle projettera dans l'écriture dramatique. Gaëlle, à l'époque, ignorait tout du monde du théâtre et de son fonctionnement. Et c'est en voyant Greg Germain dans L'esclave vieil homme et le molosse que quelque chose se passe, quelque chose qui fait déclic. Alors elle décide de lui envoyer son premier texte, comme une bouteille à la mer, dit-elle. Dès lors, l'aventure théâtrale commence. À ma grande surprise, Greg m'a rappelé. Il a mis en lecture le texte à la Chapelle du Verbe Incarné en 2003 avec des acteurs. J'insiste sur l'importance que Greg ait été un comédien et pas seulement un expert quelconque en dramaturgie. Parce que si j'ai envie d'écrire du théâtre avant toute chose, je crois que c'est pour que les comédiens aient du plaisir et du désir à jouer ce que j'écris. Et puis il y a Les Vieilles, l'un des textes les plus récents dans lequel Gaëlle a construit de beaux personnages féminins et dont nous entendons un extrait lu par Gaïa, Louane et Zoé, jeunes festivalières, toutes trois issues de la Caraïbe. Les Vieilles, théâtre de Gaëlle Octavia. Café de minuit. Entre Mando par la porte située derrière Nina. Nina sursaute. Tov, t'es pas couché? Je croyais que c'était Tov. Et par où il serait rentré, Tov? Par les canalisations des water? 3 heures que tu gardes la porte comme un berger allemand. Allez, va te coucher. Je ne vais pas réussir à dormir. Tu as tort. Je serai toi. Je filerai profiter du petit lit. Je suis sûre qu'il prend toute la place, ton grand dadé. Tov, il m'enveloppe. Il me protège des mauvais rêves. Il... Mando fouille dans les placards, puis s'affaire avec la cafetière. Tu veux du café? Je me fais un café. Le sommeil ne vient pas à tonnerre. C'est comme ça toutes les nuits maintenant. Je disais ça à mon Fifi l'autre jour. Figure-toi qu'elle est pareille elle-même. Insomniaque comme pas permis. Et m'embelle aussi. Incapable de fermer l'œil tout autant qu'on est. Pile depuis qu'on a passé le cap des 70 ans. C'est un signe, j'ai dit à mon Fifi. Le corps sent que la fin est proche. Il veut profiter de rester allumé un maximum avant de s'éteindre jusqu'à la nuit des temps. Mourir, d'accord, mais bien crever. Tu aurais vu sa tête. Elle m'a pas demandé de me taire, elle a pas osé. Mais elle a fait le signe de croix discrètement en marmonnant une prière dans sa barbe. Ah, mon Fifi avec son bon Dieu. Quand même, c'est préoccupant, non? Même la télé n'est plus assez soporifique. Avant, les feuilletons, ça marchait à tous les coups. Les garces avec leurs gros bijoux, les héritiers du pétrole qui boivent un whisky toutes les 10 minutes tellement qu'on s'embête dans leur foutu ranch. Avant, ça me ramollissait juste assez pour que je n'ai qu'à me couler sous les draps. Je dormais comme du plomb. Maintenant, j'en peux plus de compter les moutons, les cochons, les vaches, les militaires, rien à faire. Ce soir, j'ai arrêté de lutter. Tu sais pas ce que j'ai fait? J'ai pris un livre. Oui, elle lit maintenant, Tamando, comme quand j'avais 16 ans. J'aime ça, oui. J'ai toujours aimé ça, en vérité. J'avais plus le temps, c'est tout. C'est un gros roman, épais comme ça, de quoi faire passer toute la nuit. Un roman d'amour. À mon âge, c'est la meilleure façon de se payer une bonne tranche de rire. Celui-ci commence très fort, tiens. Quand elle aura fini de parler, Tov va arriver. Il a dit qu'il quittait l'usine à 20h. Il n'était pas de tour de nuit ce soir. Son tour de nuit, c'était hier. On ne fait pas de tour de nuit d'affilée, ce soir c'était 20h. Ça se passe au Brésil. Ah, le Brésil. Amo la rule de mi coração muito legal. Amour, samba et café. Tu savais qu'au Brésil, ils ont du café à n'en savoir que faire. J'ai lu ça dans le roman. Ils n'arrêtent pas d'en boire, même les enfants, au biberon. Ceci dit, la romancière, c'est pas une brésilienne, c'est une américaine peroxydée de Los Angeles. Il y a sa photo en 4e de couverture. Mais elle, elle a l'air de s'y connaître sur le Brésil. En tout cas, elle s'est pas fatiguée avec les métaphores. Elle file la même sur des kilomètres. Le goût du café, l'odeur du café, la chaleur du café, la danse des grains de café dans leur sac de chambre, les femmes couleur café. À force, j'en ai eu envie d'un petit, moi aussi. Un café à minuit. J'entends d'ici ton grand-père, on ne boit pas de café à minuit. À minuit, on dort. Quand on n'a rien à se reprocher, on nage dans son 7e sommeil. Le café, ça se boit le matin. Merci à toutes les trois et j'en profite pour annoncer la lecture de Grizzly de Gaëlle Octavia à la Chapelle du Verbe Incarné le 21 juillet prochain à 10h dans le cadre des universités d'été de la Sorbonne Nouvelle et du laboratoire CFEA sur la thématique mémoire du corps et transmission en post-colonie. Nathalie Lollet en Avignon pour Antilla et Radio Thomas. Anne Meyer, vous nous faites le plaisir de rester avec nous pour partager un moment de lecture de votre choix. Il s'agit de Frères migrants de Patrick Chamoiseau. À Paris, à Vintimille, et comme depuis près de 15 ans dans la région de Calais, des migrants restent échoués en marge de toutes les marges. Des mineurs sont traités comme du bétail industriel. On rafle même sur le seuil de la France, terre d'asile, et on pourchasse l'espoir. Ils sont éclaboussés. De commissariat en centre de rétention, de centre de rétention en colis pour nulle part, sans recours, sans témoin, sans avocat, souvent sans interprète, sans viatique autre que l'obstination d'une peur qui ne renonce pas, qui ne renonce à rien. On évacue des squats sans que nul n'ait souci des femmes, des malades et des enfants. Des compatissants sont déférés devant les tribunaux au moyen d'un délit de solidarité. Des manifestations sont écrasées sur place avant même d'être osées. Ici, auprès, presque si loin, on disperse, on punit à coups de garde à vue, on entasse des pierres et on scelle des barrières sur les espaces offerts aux dernières lassitudes. Là-bas, au loin, presque si près, des gardes-côtes, des gardes-murs, des gardes-frontières, des gardes-vie, des gardes-morts n'en peuvent plus de ne plus pouvoir contenir. Les flux ont la vitalité d'un commencement biblique. Ils enflent sans s'être amorcés. Ils recommencent sans avoir ralenti et avant même d'avoir pu s'arrêter. Quelquefois, des gardes-misère mitraillent à vif et au hasard. Souvent, ils torturent sous l'exaspération. Et quand ils se retrouvent acculés aux confins de leur propre conscience, ils pleurent sans trop comprendre pourquoi. Islamophobie. Insécurité, identité, immigration sont des mots tombés monstres. Ils se sont accouplés sous hypnose médiatique, dans une horde criarde. Ils moulinent à vif comme des roues dentées, presque dans tous les sens, partout, presque sans fin, jusqu'à broyer des gens en pleine lumière des villes et guirlandes des boulevards. Il faut agir. Une cause est là. Jeanne, celle qui écrit si bien, a un geste étonné. J'ai vu leurs yeux. C'est des lucioles. Les poètes déclarent. Que quelles que soient les circonstances, un enfant ne saurait naître en dehors de l'enfance. Que l'enfance est le sel de la terre, le sol de notre sol, le sang de tous les sangs. Que l'enfance est donc partout chez elle, comme la respiration du vent, le salubre de l'orage, le fécond de la foudre, prioritaire en tout, plénière d'emblée et citoyenne d'office. Les poètes déclarent que la Méditerranée entière est désormais le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus infimes lumières, épelant toutes pour tous les lettres du mot accueil dans toutes les langues et dans tous les champs, et que ce mot constitue uniment l'éthique du vivre-monde. Les poètes déclarent que les frontières ne signalent qu'une partition de rythme et de saveur, qui n'oppose pas mais qui accorde, qui ne sépare que pour relier, qui ne distingue que pour rallier, et que dès lors, aucun cerbère, aucun passeur, n'y trouvera à sévir, aucun désir n'y trouvera à souffrir. Les poètes déclarent que toute nation est nation-relation, souveraine mais solidaire, offerte aux soins de tous et responsable de tous sur le tapis de ses frontières. Frères migrants, qui le vivait bien avant nous, frères de nulle part, ô frères déchus, déshabillés, retenus et détenus partout, les poètes déclarent en votre nom, que le vouloir commun contre les forces brutes se nourrira des plus infimes pulsions, que l'effort en chacun dans l'extraordinaire du quotidien, que le combat de chacun est le combat de tous, que le bonheur de tous clignote dans l'effort et la grâce de chacun, jusqu'à nous dessiner un monde où ce qui verse et se déverse par-dessus les frontières se transforme la même, de part et d'autre des murs et de toutes les barrières, en 100 fois, 100 fois, 100 millions de lucioles. Une seule, pour maintenir l'espoir à portée de tous, les autres, pour garantir l'ampleur de cette beauté contre les forces contraires. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Alors aujourd'hui, un nouvel extrait d'archives qui date d'il y a 10 ans. Absolument. Aujourd'hui, on écoute un 4e extrait de la conférence donnée par Édouard Glissant au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné le 13 juillet 2009. Vous comptez vachement bien, Savannah. N'est-ce pas ? Cette conférence est intitulée « Crise coloniale, crise mondiale » et le poète nous parle, dans l'extrait qu'on va entendre, de la poétique de la relation. Ce que j'ai essayé de construire jusqu'ici, c'est une poétique, d'abord une poétique de la relation. Ça nous vient de partout et il faut que nous établissions la relation entre partout et partout, entre tous les lieux et tous les lieux. Non pas entre un lieu qui serait le nôtre, et d'autres lieux vers lesquels nous projetterions, mais entre tous les lieux du monde. C'est pourquoi je dis que cette poétique de la relation que j'essaie de défendre est intransitive. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'objet particulier. Elle va de tous les lieux à tous les lieux. Et que chaque lieu est un différent. Alors ça, c'est une idée qui m'est très chère et que je crois que je vais essayer de vous faire partager. C'est que le tissu du vivant et la toile des cultures ne sont pas imbriqués de semblables, mais de différents. Et ça, c'est une notion très, très précieuse. Parce que quand on imbrique le semblable au semblable, on clone. C'est un clonage. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'entité qui est à qui on ajoute son semblable, cette entité n'avance pas, n'évolue pas, ne change pas. Et que le changement, c'est la loi même du vivant. Et que par conséquent, nous sommes obligés de dire, de considérer que le tissu du vivant et la toile des cultures sont constitués d'imbrications de différents. C'est ce qui est différent qui permet d'avoir comme résolution une troisième donnée. Alors, c'est quoi dans la chaîne, dans le tissu du vivant? C'est le métissage. Il n'y a pas d'autre considération que celle-ci. Le métissage est à des degrés infinis. Le métissage est entre une rive du fleuve et l'autre rive. Le métissage est entre une rue d'une ville et une autre rue. Le métissage est entre un pays et un autre pays. Le métissage est entre une race et une autre race. Le métissage est, etc. C'est tout ce qui est différent, quelle que soit la valeur de l'écart entre les différents. Et le métissage, c'est pas seulement un métissage de race. Le métissage, c'est le métissage de tous les différents, n'est-ce pas? Et si nous concevons, si nous essayons de concevoir ces métissages des différents, nous arrivons à quelque chose qui est ce que j'appelle la créolisation. La créolisation, c'est la rencontre, et le choc, l'harmonie de tous les de différents qui s'attirent, se repoussent, se combattent, s'harmonisent, etc., avec un résultat inattendu. C'est l'inattendu du monde, l'imprévu du monde, avec un résultat inattendu, imprévisible, et qui dépasse les éléments constituants originels. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est absolument ce que le raciste n'accepte pas. Le raciste peut accepter que vous soyez dans votre semblable à côté de lui, mais il n'accepte pas le mélange. Il n'accepte pas le fait de vous considérer comme un différent qui s'accorde avec sa différence. Il n'accepte pas ça. Ça, c'est le vrai racisme, n'est-ce pas? Et c'est une des conditions absolues de notre monde. Parce que il faut dire que la propension raciste va augmentant dans le monde. N'est-ce pas? Que le refus de l'autre, et on peut dire la haine de l'autre, augmente dans le monde, au fur et à mesure que les racistes considèrent qu'ils sont menacés. C'est-à-dire que la colonisation progresse. Toutes les villes du monde qui étaient des villes de colonisation, de Sarajevo à Beyrouth, etc., toutes les villes où il y avait des contacts, des communions, des rapports entre races, entre religions, entre cultures différentes, ont été systématiquement prises comme cibles par toutes sortes d'intégrismes dans des camps différents, parce que le raciste a peur de la résolution nouvelle qui pourrait surgir de décréolisation. Archives d'Outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Toma. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarne.fr. Marie-Cécile est avec nous, bonjour. Bonjour Savannah. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à la rencontre de... À la rencontre de Chantal Loyal. Elle est chorégraphe et directrice artistique. Elle est originaire des Antilles, vit à Paris depuis l'âge de 8 ans. Et elle nous explique comment son histoire et ses rencontres l'inspirent dans ses créations. Je m'appelle Chantal Loyal. Je suis chorégraphe et directrice artistique de la compagnie d'Yves Caco et du festival Le Mois Créole. Je suis basée dans le 13e arrondissement. Je suis originaire de la Guadeloupe, mais je suis arrivée, alors c'est pas un mais négatif, hein, mais je suis arrivée à l'âge de 8 ans en France. Et c'est très important pour moi de faire le va-et-vient, de faire le pont avec ma culture, la culture des Outre-mer, et aussi avec l'Afrique et la France. Donc je me situe dans un triangulaire sans cesse, en permanence, et je dirais même un travail de circulation. L'Outre-mer, c'est beaucoup de choses. Moi, je suis née là-bas, je suis enracinée là-bas, j'y retourne. Je suis viscéralement et de façon très intrinsèque aussi habitée par cette culture et cette identité qui est la mienne. Je pense que l'essence même de mon travail part de la tradition. C'est-à-dire il part vers la tradition et il émerge vers autre chose, mais il part de la tradition et donc du gros cas. Il part du Bélé aussi, de la Martinique, et il parle de l'Afrique. Et puis il parle des autres, les autres, l'altérité, les autres danses. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment l'autre, de manière singulière, on peut l'accepter et collaborer avec, tout en respectant un projet artistique et en pouvant être dans un projet collectif. Que ce soit sur un public antillais dans le jus même des Antilles, que ce soit sur un public étranger, que ce soit en France, nous n'avons pas de problème avec nos publics. C'est souvent l'institution qui remet en cause le public et qui a besoin d'éduquer le public dans le sens qu'il souhaite. Souvent, on entend l'institution, quand ils ne veulent pas vous acheter, vous dire « ce n'est pas pour mon public, je pense que mon public ne va pas adhérer ». En tout cas, moi, je ne fais pas de compromis. Je peux faire attention de ne pas vexer, de ne pas, toucher l'autre. Il faut faire attention, mais je pense que moi, pour l'instant, je suis à un moment et à un endroit où je pense que je dis des choses qui sont sensées, sensibles, et au contraire qui va toucher l'autre dans son âme et qui ne va pas le froisser. C'est-à-dire toucher quelqu'un par des émotions et essayer de ne pas le froisser. Le partage. Je crois que ça me tient à cœur, la générosité et le partage. Parce que je trouve que c'est le meilleur moteur et ce sont des valeurs très importantes pour moi. Très important de partager, d'être collectif. D'être pluriel, comme je disais, mais d'accepter l'autre avec sa différence de pensée, corporelle, physique, tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des désaccords, mais il faut être dans la discussion. et puis essayer d'être le plus franc possible et le plus honnête possible. Et parfois, on travaille avec des gens qui ont du mal à aller jusqu'au bout de cette honnêteté ou qui ont du mal à dire les choses. Et voilà, je trouve ça dommage. Merci Marie-Cécile. Quel est le programme pour demain ? Alors, je crois que nous allons à La Réunion demain. Très bien. Alors, rendez-vous à La Réunion. Isabelle Leyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre journaliste invitée, journaliste culturelle sur France Info TV, et vous venez nous faire part de votre coup de cœur. Oui, je vais vous parler d'un spectacle de femmes. Ce spectacle, c'est déjà parce qu'il y avait des femmes qu'il a attiré mon attention et que je suis allée le voir. Ça s'appelle « Tous mes rêves ». Partent de la gare d'Austerlitz. Alors, donc, 6 femmes sur scène, mise en scène par une femme, on va la citer, hein, Marjorie Nakache. C'est un texte d'un homme, parce que bon, on aime bien les hommes quand même. Il s'appelle Mohamed Kassimi. Et en fait, ce sont à la base 5 femmes qui sont en prison, enfermées. Elles sont dans la bibliothèque de cette prison. Elles passent le temps et arrive une 6e femme. Alors, on sent que chaque femme a son parcours. Des vies, des rêves brisés. Finalement, c'est des femmes comme nous, sauf qu'elles, elles ont eu un accident de parcours. Au fur et à mesure, je ne vais pas vous dévoiler, mais on comprend ce qui s'est passé. Et arrive une 6e qui débarque, qui a l'habitude de rien, qui va devoir apprendre les codes aussi de cette prison. Et donc, ça se passe le soir de Noël. Et donc, elles sont enfermées ce soir de Noël et elles cherchent à s'évader. Elles sont en prison, mais elles vont réussir à s'évader. Alors, elles s'évadent en rejouant « On ne badine pas avec l'amour » de Musset. Elles s'évadent en s'inventant un festin extraordinaire. Et on comprend finalement que la clé de la liberté, c'est aussi notre imaginaire. C'est un des messages de ce spectacle. Il y en a plusieurs, évidemment. Et c'est magnifique aussi, cette prise de conscience et ce moment où elles partent. Et ça, finalement, à un moment, elles oublient tout. Et puis, elles oublient leur enfermement et elles se retrouvent libres d'être qui elles veulent à ce moment-là. Les comédiennes sont vraiment magnifiques. Ça me touche aussi parce qu'elles sont d'origine, d'âge, de culture. Elles semblent en tout cas très différentes comme leurs personnages. Et c'est un beau mélange qui parle des exclus, mais qui finalement ne sont pas si loin de nous, donc qui nous parle à tous. C'est vraiment un spectacle que je vous recommande. Donc, tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz, donc à la chapelle du Verbe incarné. Tout à fait, à 18h. Est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre de Stein? Car cette compagnie vient du studio théâtre de Stein en banlieue parisienne. Alors, je connais Stein parce qu'à l'époque, j'étais à France 4. Et il y a eu des documentaires. Stein a fait parler, cette ville a fait parler d'elle, justement, avec une politique assez dynamique auprès des jeunes et de la culture. Je ne suis jamais allée à ce théâtre, mais il a une belle réputation et bravo à ce qu'ils font à Stein, vraiment. Oui, parce qu'il faut savoir que pour la pièce, donc c'est une commande de Marjorie Nakache, qui effectivement a animé plusieurs ateliers dans l'univers carcéral. Donc c'était important pour elle de retranscrire ça sur scène. Et effectivement, comme vous le disiez, l'imagination et la liberté passent aussi par le théâtre. On le ressent vraiment. Complètement. Et d'ailleurs, alors moi j'aime bien allier le off et le in. Je sais que tout le monde n'aime pas. Moi je suis pour. Mais voilà, Olivier Py, il a fait Macbeth philosophe avec Enzo Verde. Ils ont tout au long de l'année travaillé avec les prisonniers, les détenus d'Avignon. Du centre pénitentiaire du Pompée. Voilà. Et donc ce qui est chouette, c'est que ça, finalement, ça préoccupe tout le monde et que des accidents de parcours, je pense que ça peut arriver à tout le monde et il ne faut pas l'oublier et stigmatiser ces gens-là qui n'ont peut-être pas une autre chance ou qui ont, ça peut arriver à tout le monde. Donc, je trouve ça assez joli de ramener ça et de par la culture, de par le théâtre, finalement, nous unir et réfléchir ensemble à ce qu'est la liberté parce qu'on peut être encore plus enfermés nous-mêmes dans nos vies et dans nos têtes que des gens qui sont détenus. Donc, je pense que c'est aussi, ça nous amène à réfléchir au-delà des murs des prisons, mais sur nos propres vies et nos propres conditions et nos propres enfermements. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc, on vous conseille évidemment d'aller voir Tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz à 18h à la chapelle du Verbe incarné. Estelle, vous poursuivez votre aventure avec les visiteurs du jour. Mais oui, exactement. Alors, il y a une semaine, on a accueilli à la chapelle du Verbe incarné un groupe de jeunes comédiens amateurs qui venaient pour découvrir le Festival d'Avignon et ils venaient de Saint-Pierre et Miquelon. Alors c'était mercredi dernier et j'ai recueilli leurs premières impressions à chaud dès l'arrivée. Aujourd'hui, on écoute Alexis, qui nous dit qu'il aime bien son île, enfin son caillou de Saint-Pierre, mais qui, comme d'autres jeunes de cet endroit, devra forcément la quitter. Donc voilà, les premières impressions, un peu de timidité adolescente et de fraîcheur dans ce festival. Les visiteurs du jour. Certains festivaliers viennent de plus loin que d'autres, apportant avec eux l'écho de leur archipel. On a dansé dans le palais des papes et c'était cool. On a vu le pont d'Avignon, c'est le pont Bénezé. Chaque jour, l'un de ces spectateurs des Grands Larges nous raconte son festival. Et tu viens d'où ? De Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour, moi je m'appelle Alexis Le Tournel. J'ai fait un bac scientifique. Et pour changer, l'année prochaine, je vais partir faire une licence en cinéma à Montréal. Et j'ai 18 ans. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour moi, c'est aussi une peinture avec... malheureusement, on n'a pas autant de nature, pas la même nature qu'en métropole, mais on a la chance d'avoir une forêt boréale, donc beaucoup de vert, la mer partout, donc beaucoup de bleu, et nos maisons qui sont multicolores. Et donc, pour moi, ça ressemble à une peinture avec les saisons qui s'enchaînent. Et je pense qu'on peut parler aussi du festival des Transboréales qui est en train de s'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on l'a fait l'année dernière et on est en train de le refaire cet été. Et donc c'est plus orienté sur la musique, mais il y a quand même beaucoup, il y a quelques acteurs qui viennent jouer des pièces, enfin dans des lieux emblématiques de Saint-Pierre, par exemple la petite église de l'île aux Marins. On va jouer Anna Femme de Bourreau. Et moi, ce que j'espère, c'est quand même profiter de l'aspect culturel de la ville, du festival évidemment, et aussi des rencontres et de profiter avec mes amis. J'ai entendu parler chinois, il me semble. J'étais surpris, italien, enfin, toutes sortes de langues. Et à Saint-Pierre-Miquelon, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça, ce mélange des cultures. Et franchement, c'est vraiment très intéressant. Je vous quitte avec la voix de Greg Germain et d'Aimé Césaire. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. On vous retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres spectacles d'outre-mer avec Cris de mes racines et Anguille Souroche. Vous pouvez nous retrouver sur nos radios partenaires Radio Grenouille à Marseille, Aligre FM à Paris, sur le magazine Antilla et sur notre blog Mediapart. Belle soirée et bon festival à tous. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Nous connaissons tous Aimé Césaire. Homme politique martiniquais né au début du XXe siècle et qui a presque traversé ce XXe siècle. Aimé Césaire est aussi un auteur de poèmes, un auteur de pièces de théâtre et surtout un auteur d'essais. Tout le monde connaît Cahier d'un retour au pays natal, mais peut-être un peu moins Discours sur le colonialisme. Et c'est ces quelques passages de ce Discours sur le colonialisme que je vais vous lire. Mais je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ? Ou si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact, était-elle la meilleure ? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réunir une seule valeur humaine. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « que c'est curieux ». Mais bon, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il n'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore. Qu'Hitler l'habite. Qu'Hitler est son démon. Et que s'il le vitupère, c'est par manque de logique. Et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi. C'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. Et dès lors, ces phrases s'imposent à moi. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule comme les nègres et des Chinois, elle se révolte. Tout révolté est chez nous plus ou moins un soldat qui a manqué sa vocation, un être fait pour la vie héroïque et que vous appliquez à une besogne contraire à sa race. Mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte nos travailleurs rendrait heureux un Chinois, un fellah. Êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait et tout ira bien. Hitler ? Rosenberg ? Non, Ernest Renan. Et qui s'en indigne ? Personne. Je veux dire, pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé de droit et de la religion. Pas un défenseur de la personne humaine. Et pourtant, par la bouche de tous ceux qui jugeaient et jugent licite d'appliquer au peuple extra-européen et au bénéfice des nations plus fortes et mieux équipées une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'était déjà Hitler qui parlait. Où veux-je en venir ? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, qu'une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, c'est-à-dire son châtiment. Retrouvez la radio du Thomas sur le net, www.verbeincarné.fr. Tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas tout fait mettre, tout pas t pas tout fait main, tout pas tout fait main. Chinois la dit moi pas ni diri. Zarab la dit moi pas ni pétrole. Et juif la dit moi pas ni l'argent, moi pas ni.